Bonjour à tous, ici Émilie, votre animatrice de coup de tête. On repousse souvent nos rendez-vous chez le dentiste par appréhension, et pourtant, ces médecins jouent un rôle tellement important pour notre santé. J'ai grandi auprès de l'un d'entre eux, et j'ai pu voir combien ce métier peut être exigeant et à quel point il peut faire une vraie différence, notamment en détectant des maladies graves, comme les cancers de la tête et du cou. Dans son podcast « Entretien avec un dentiste », Florence Etcheverry met en lumière l'aspect humain de cette profession et elle nous dévoile les coulisses d'un métier qui est souvent méconnu. Je vous recommande d'aller l'écouter. Vous y découvrirez aussi le témoignage de Sabrina, la présidente de notre association Corasso, dont la vie a changé après une simple consultation annuelle chez son dentiste. Alors que vous soyez patient, soignant ou simplement curieux, ce podcast vous offrira un nouveau regard sur le monde dentaire. Et qui sait, peut-être que vous finirez par prendre ce rendez-vous qui traîne sur votre to-do list depuis des semaines. Bonjour et bienvenue dans Coup de tête, le podcast qui sublime les voix des patients touchés par un cancer de la tête et du cou. Je m'appelle Émilie et j'ai été touchée par un cancer des cordes vocales à l'âge de 22 ans. Avec l'association de patients Corasso, nous souhaitons porter plus haut la parole des patients pour faire connaître et reconnaître ces différentes voix, ces différentes élocutions, ces différentes histoires inspirantes et pleines de résilience. Coup de tête, c'est le podcast qui sublime la voix des patients touchés par un cancer tête et cou. À écouter sans modération. Aujourd'hui, c'est sous le soleil du sud de la France que nous retrouvons Philippe, un ancien scénariste aujourd'hui à la retraite, qui a baigné dans le monde du cinéma toute sa vie. Donc toi Philippe, tu as eu un cancer de la langue il y a quelques années, et quand on avait échangé par visio, tu m'avais dit que tu savais que ça finirait par arriver, du fait de l'environnement dans lequel tu avais été bercé par ton métier depuis des années. Et c'est vrai que depuis le début des épisodes de Coup de tête, on a écouté des histoires de patients qui ont eu des cancers aux origines inconnues, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de cancers de la tête et du cou qui peuvent toucher n'importe qui. Ces cancers-là, ils peuvent toucher tout le monde indépendamment de son sexe, de son âge ou de son hygiène de vie. Mais il y a aussi une grande majorité de ces cancers qui sont liés à la combinaison de l'alcool et du tabac. Cet épisode, il tombe à pic parce que la semaine dernière, donc la troisième semaine de septembre, c'était la semaine de sensibilisation européenne au cancer de la tête et du cou. Donc aujourd'hui, avec toi, Philippe, on va parler un petit peu de toute l'importance de la prévention qui peut sauver des vies. Donc merci beaucoup à toi de nous raconter un petit peu ton histoire aujourd'hui. Bah écoute, je suis ravi déjà de participer à cette émission. Non, moi j'ai commencé le métier de scénariste et à risque. De ce point de vue-là, comme je parle de l'ancien temps peut-être. Oui. Mais en tout cas, à l'époque, on fumait beaucoup partout. Oui. Et en particulier dans les... en dehors des plateaux, etc. Le métier de scénariste, c'est bien connu, il faut rendre son travail pour hier, parce que le tournage n'attend pas. Donc on ne fait pas attention, on essaye de ne pas être frustré par un manque de cigarettes, parce que toute l'attention, la concentration doit être là. C'est un peu un prétexte, mais c'est aussi une histoire, c'est une culture du métier qui fait qu'on a toujours vu des scénaristes avec la cigarette au bec. Je pense au film où Belmondo... Se met en scène comme scénariste et comme héros. Donc la cigarette faisait partie du métier, comme l'alcool aussi fait partie du métier, il y a toujours quelque chose à fêter. Donc je n'ai vraiment pas fait attention, moi, en travaillant pendant 40 ans. Peut-être qu'à cette période-là, on parlait moins aussi de cancer. C'était les cigarettiers qui aussi disaient « Ça y est, on va vous vendre des cigarettes légères qui ne rendent pas malade. » C'était toujours les pubs à l'époque, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bah si, on pensait que ça arrive qu'aux autres. Et j'ai essayé d'arrêter de fumer une fois. J'étais en plein milieu de ma carrière. Et j'ai arrêté 15 jours. J'ai pas pu écrire une ligne, j'ai pas pu travailler au projet sur lequel je devais travailler. Sans cigarette, je pouvais pas. Donc, je pense qu'il y a une technique qui était d'essayer de dissocier la cigarette du travail et, par exemple, quand c'est lié au café ou lié à l'alcool. C'est-à-dire, par exemple, le café de midi, ma première cigarette, je ne la fume pas immédiatement avec le café. Donc, au début, je décalais d'une minute, puis après, je décalais de 5 minutes, puis après, je décalais de 10 minutes. Et même si j'en fumais une après, au bout de 20 minutes, elle n'était plus liée au café. Donc, supprimer après cette cigarette-là, c'était beaucoup plus facile. Pour ne pas commencer, ces techniques-là de dissociation temporelle marchent assez bien. Et pour l'alcool, pareil, c'est-à-dire que quand on met le mot fin à une scène, bon, c'est fini pour aujourd'hui, la scène est écrite, bon, qu'est-ce qu'on voit, comment on fait ça, quoi. Des fois même, c'est cette réplique-là, elle est sortie de je ne sais où, dans un dialogue, elle est super, oh, qu'est-ce que je suis content, je vais me récompenser. C'est toujours le truc de la récompense qui... Donc il faut pouvoir travailler sans trop se récompenser. Je veux dire, en tout cas, ma génération, on a tous commencé à fumer pour faire comme tout le monde. Moi, j'étais en fac, on fumait dans les salles de cours. Oui. Mais tout le monde, alors le non-fumeur... Bon. Oui, il avait le tabagisme passif qui est tout aussi nocif. Une fois, il y en a un comme ça qui est venu avec un masque et un tuba. Il a assisté au cours comme ça pour nous renvoyer qu'on était des tueurs, quoi. L'image a fortement fonctionné. Voilà. Est-ce que tu avais été accompagné, tu avais essayé de voir un tabacologue, par exemple ? Non. Dans le cinéma et l'audiovisuel, quand on a des contrats, il y a un médecin du travail. Pour que le tournage puisse être assuré, il faut que ceux qui contribuent au tournage fassent une visite auprès de ce médecin du travail qui m'a demandé si j'allais bien. Et je lui ai dit oui, ben voilà, tout va bien. La seule personne qui m'a dit quelque chose, c'est quand j'ai commencé à devenir un peu sourd, c'est mon ORL qui m'a dit la cigarette bouche les petits vaisseaux du tympan. Donc à vous de voir. C'est le seul contact, on va dire, sur le tabac proprement dit, qui m'a fait un peu réfléchir. Je subissais pas, apparemment, de problèmes de santé. J'étais même presque au contraire. Je me sentais immunisé par le tabac. C'est-à-dire, j'étais jamais enrhumé, jamais, voilà. Jusqu'au moment où j'ai eu des petits-enfants et le fait d'avoir toutes les 5 minutes aller fumer une cigarette, ça casse un peu le rythme du jeu qu'on peut avoir avec eux, etc. Et à ce moment-là, j'ai drastiquement décidé que j'allais tout arrêter en même temps, de boire, de manger, de fumer. J'ai fait un jeûne d'une semaine. Ça promettait de couper, à un moment, de créer un espèce d'électrochoc avec les habitudes, les mauvaises habitudes. J'y vais en me disant, c'est pas pour maigrir, j'ai pas de problème de poids, mais peut-être que ça va faire diversion et que je vais pouvoir arrêter de fumer. Parce que c'était un stage non-fumeur. Et ça s'est passé, mais au-delà de mes espérances, j'ai arrêté 40 ans de cigarettes avec 2 paquets et demi en une semaine. Sans aide extérieure. Voilà, et je me suis dit, le miracle va s'arrêter un jour. Et il ne s'est pas arrêté. Du coup, quand tu as arrêté, tu étais encore scénariste ? Oui, oui, oui. Je travaillais encore et je faisais des séries, surtout pour la télé. Donc, y compris des séries de 300 épisodes. Je me suis retrouvé avec un battement de 3 mois avant de reprendre autre chose qui était prévu. Donc, j'ai profité de faire le jeûne pendant ces 3 mois-là pour pouvoir me refaire une vie hors du travail. Avant de reprendre le travail, hors cigarette, ouais. Voilà. Et quand t'as repris alors, comment ça s'est passé? Quand j'ai repris, je faisais beaucoup plus attention à ceux qui m'entouraient. Je suis pas devenu régleur de compte, donneur de leçons, mais je leur disais, moi il me faut une pièce sans fumée, sinon ça va pas bien se passer. C'était pas trop compliqué à obtenir. En revanche, ce qui était plus compliqué, c'est les soirées festives. Parce que c'est la baisse de la vigilance, et là, c'est rédhibitoire. J'ai refumé une cigarette que 3 ans après. Mais c'était plus un test, et franchement, oui, ça valait pas le coup que je m'y remette, quoi. C'est... je me suis considéré comme sorti d'affaires complètement, voilà, jusqu'à 15 ans plus tard, un cancer qui se déclare à la base de la langue. Mais je n'ai pas été surpris, c'est-à-dire que je me disais que j'avais provisoirement fait ce qu'il fallait, mais que statistiquement, j'étais quand même dans le wagon de ceux qui étaient à risque. En revanche, c'est après, quand j'ai vu les premiers médecins, et en particulier les chirurgiens, où là, ça a été une grande peur maximum. Mais simplement parce que je ne pouvais pas anticiper ce qui allait se passer. C'est toujours ma hantise de ne pas pouvoir me préparer à quelque chose. Ça doit être un défaut de scénariste ou une qualité, je sais pas. Ouais. Et la première chose qu'il m'a dite, ben voilà, on va commencer par la chirurgie. Bon. Et la chirurgie, ça va être ça. Ça veut dire que vous sciez la mâchoire entre les dents, on va ouvrir les mandibules. J'ai appris les mots au fur et à mesure. Hein. Et après, on va vous prendre un morceau de peau et de vaisseau dans la cuisse, etc., qu'on va greffer à la place du morceau de langue qu'on va vous retirer. Et ça va durer 11 heures. Et après, ça sera peut-être suivi d'une chimio et d'une radiothérapie, on verra. Et là, j'ai commencé à avoir très peur. Alors, on a redemandé des rendez-vous avec le chirurgien pour lui dire « Attendez, vous pouvez m'expliquer ça tout doucement que je... Pourquoi on commence par la chirurgie et qu'on pourrait pas commencer par autre chose ?» Donc il a expliqué que la taille de la tumeur était encore assez réduite pour pouvoir tenter une chirurgie. Là, j'ai pas pu dire « j'y vais ». Donc on m'a réexpliqué ça à quel moment. J'ai compris un peu les risques. Et c'est là où on a découvert que mes artères et mes vaisseaux, etc., étaient très, très dégradés. Ça, c'est la cigarette aussi. Donc, il y a eu une espèce de pause pendant 3 semaines où, entre-temps, ma tumeur a augmenté. Donc, de toute façon, on ne pouvait plus passer à la chirurgie. Et je te cache pas que j'ai été quasiment soulagé quand l'équipe pluridisciplinaire a décidé de passer directement à la chimio et à la radio. J'ai revécu, si on peut dire ça. Et je me suis prêté à toutes les séances, faire le mieux possible, le masque, pouvoir ne pas bouger, toutes les IRM. J'ai l'impression d'être devenu le bon élève qui va tout faire bien. Là, t'étais vraiment acteur de ton parcours. Bah, acteur, donnez-moi quelque chose à faire, on va le faire ensemble. Après, quand il y a eu l'alimentation par sonde, j'ai insisté pour pouvoir continuer à manger quand même. Donc on a acheté un mixeur digne de ce nom, on a fait des milkshakes à tout n'importe quoi, tout ça pour regagner de la nourriture prise oralement sur la nourriture par sonde. Donc après la période de la radiothérapie, t'étais tout irradié et tu pouvais plus déglutir normalement. C'était difficile. C'était difficile. Puis j'avais perdu beaucoup de poids, donc c'était important. Mais même les compléments alimentaires protéinés. C'est infect, quoi. Même le goût, moi j'ai eu droit au goût neutre. Goût neutre. Donc ma diététicienne m'avait dit vous pouvez mettre ça comme dans des pâtes carbo et à la place de la crème, mettre le complément, ce complément de goût neutre qui sera un peu lisse. Mais alors ça n'a pas du tout le même goût, hein. C'est des vraies pâtes carbo. Si vous voulez qu'on vous aide, il faut que vous nous aidiez. Oui, voilà, c'est ça. Le parcours de Philippe est particulièrement complexe. Il nous rappelle à quel point il est important de comprendre les traitements proposés. C'est aussi l'occasion pour lui de nous rappeler les droits des patients. J'étais au courant des droits des usagers avant d'avoir eu le premier contact avec le chirurgien en question. Mais je savais qu'il fallait que je demande un autre avis. Faire jouer le représentant des usagers dès le stade de mon entrée à l'hôpital, c'est-à-dire être dans une forme de conflit quand même, j'ai essayé d'éviter ça. Or, il s'est trouvé que les choses ont basculé par la force des choses, c'est-à-dire la tumeur était trop grande. Par ailleurs, ils avaient pris la décision entre-temps de passer par la chimio directement. Ils servent à quoi justement hormis ce fait-là, le bureau des usagers, ils servent à quoi? Ben, il sert surtout à veiller à ce que la loi Kouchner, qui réglemente les conflits potentiels qu'il peut y avoir entre usagers de l'hôpital et corps médical dans son ensemble, ou institutions médicales, ait des règles telles qu'on puisse s'y référer pour juger que oui, il y a eu erreur, ou non, il y a eu abus, et que le devoir d'information, par exemple, est très très bien explicité. C'est-à-dire, non seulement ils ont le devoir de t'informer sur les conséquences de l'intervention ou du traitement qu'on va te donner, mais ils doivent s'assurer que tu as compris. D'accord. Et ça, c'est pas simple à mettre en place. Et donc, tu as des suivis là, réguliers depuis cette période-là. Du coup, on t'a annoncé officiellement que tu étais en rémission. Oui, mais ils avaient l'air de... c'est drôle parce que la façon dont ça s'est passé, c'était une oncologue qui, à la lecture de la première IRM, et elle dit « Oui, bon, bah voilà. Bon, bah donc, ça va. Alors donc, on reprendra rendez-vous. » Attendez. Comment ça va quoi? Qu'est-ce qui va? Expliquez-vous. Ben non, je vois rien sur la... Ah bon, donc vous voulez dire que... Du coup, on se demandait si elle a bien lu, si... Oui, ça vous paraissait à ce moment-là un peu surréaliste. Ouais. Tu t'y attendais pas du tout, quoi. Donc après, on se dit, mais est-ce que c'est pour ne pas donner de faux espoirs non plus, que ne vous réjouissez pas trop tôt, que ça pourrait être une attitude? Mais je pense pas que c'était son intention. C'est... Le chirurgien, il était pareil, il a jamais prononcé non plus le mot rémission. Et pourtant, moi, ça fait 4 ans. En fait, dans les 2 premières années après les traitements, c'est là où on a le plus de risques de faire des récidives. Donc même si ta première imagerie de contrôle, elle est bonne, il faut faire quand même attention. Oui, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est à l'inverse de lui annoncer brutalement, là, du coup, c'est un peu des pudeurs. Oui, peut-être qu'il y a des gens, je suis guéri, donc ça y est, je vais refumer, je vais pouvoir... Bon, ouais. Peut-être c'est ça qu'ils essaient d'éviter aussi. Et donc toi, aujourd'hui, donc tu as fini les traitements. Est-ce que tu gardes des séquelles de ces traitements-là ? Au quotidien. C'est difficile avec l'ORL, enfin, je sais pas si tu l'as vécu comme ça, c'est quand tu as mal, c'est très difficile de situer la source fine de l'endroit, de la douleur. Autant ma fille a pu m'aider sur le côté respiration, pouvoir, parce que j'avais des accélérations du cœur, pouvoir contrôler la respiration abdominale, autant ça, mon gendre, lui, a fait beaucoup de sport et est quasiment capable d'intervenir, faire le lien mental avec l'endroit où ça se passe. Et moi, j'ai essayé. Je n'y arrive que pour ce que tout le monde connaît. C'est on a oublié le nom de ce comédien qui jouait dans ce film que tout le monde connaît. Moi, je me suis amusé à ça. Je passerai la nuit s'il le faut, mais je le retrouverai. Et je le retrouverai soit par la première syllabe du nom. Et on arrive à faire le chemin. Donc, on arrive bien, mentalement, à aller à un endroit. Là, c'est là où le souvenir est stocké. Ouais. Mais je pense que pour la douleur, en tout cas, peut-être qu'on peut arriver à le localiser, savoir où on a mal. Et alors après, peut-être le fait de le savoir et de savoir que c'est là peut contribuer à la diminuer. C'est des choses pratiques où le malade contribue, il est mis à contribution, parce qu'il n'y a que lui qui peut chercher le souvenir. Il y a des techniques comme ça. On va parler par exemple réflexologie. Sous la plante du pied, quand tu prends une carte de réflexologie plantaire, et ben chaque organe est représenté à un endroit particulier dans ton pied. Et les réflexologues, ils manipulent tel endroit. Si tu leur dis que t'as mal peut-être au niveau du cou, et ben ils vont appuyer là où il faut, au niveau de la plante du pied. La voûte plantaire, ouais. Ça va te débloquer la douleur. Il y a aussi l'acupuncture. En fonction de là où tu positionnes la petite aiguille, et ben ça va te dégager la douleur et ça va te faire un bien immense, comme si tu avais une décharge émotionnelle qui partait, et physique aussi, quand c'est de la douleur, quoi. Et sur le site de Corasso, justement, on a toute une section soins de support. Et de quels soins de support avez-vous besoin? Et il y a une liste complète de professionnels qui te permettent de soulager la douleur autrement que juste par les médicaments. Ouais, ouais. Ma fille au Maroc est psychologue. Et elle m'avait recommandé un livre Guérir envers et contre tout. Ça date de 2007. Et c'est Simon Tone qui a écrit ça avec deux collègues. C'est des psychologues qui œuvraient près d'un grand centre hospitalier et qui ont insisté surtout, enfin le livre, sur l'importance d'impliquer le patient dans la thérapie. Et je trouvais ça très très bien. Ce qui m'a aidé, c'est quand ils amènent à se poser des questions. Est-ce que vous avez réfléchi à quel moment c'est arrivé votre cancer? À quel moment il s'est déclaré? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là? Et ben, c'est le moment où j'avais divorcé et où mes filles n'étaient pas très très contentes. Voilà. Et puis... Après, je lis, essayez de comprendre en vous si vous avez des effets bénéfiques. Enfin, ça a un nom en psychologie, c'est des gratifications secondaires. Ok. Voilà. C'est tirer du positif de... Du fait d'avoir un cancer. Ouais. Est-ce que vous en tirez bénéfice de façon annexe? Ouais. Donc, ça m'intéresse beaucoup, ça. Réintroduire le patient dans le protocole, parce que... Bon, l'hôpital, c'est aussi un parcours de soins et un protocole. Et parfois, on n'a pas sa place. Il me semble quand même que si je n'avais pas eu ça et que j'avais subi l'intervention chirurgicale, je n'en serais pas là. Ouais, je comprends. En fait, ce n'est pas juste tu reçois les traitements et on te guérit. Je me souviens quand j'étais à l'hôpital, je te le disais tout à l'heure, j'étais en plein Covid, j'étais toute seule, donc je ne voulais pas me lever. Je restais allongée dans mon lit. Il me disait, mais non, mais si tu veux sortir, si tu veux que ça cicatrise bien, il faut que tu te lèves de ton lit et que tu marches, ou que tu ailles au fauteuil au moins la journée. C'est vrai qu'au début, j'avais pas du tout le moral, je voyais personne, et donc je restais couché, en fait. Oui. Ben, c'est ça, le problème de la chirurgie, c'est que, par définition, on n'a pas de place. Ou alors, on a la seule mauvaise place. C'est comment aider un chirurgien, je ne peux pas le concevoir. Alors, pendant la chirurgie, effectivement... Tu te laisses faire. Mais après, pendant tout le temps où tu es hospitalisé et qu'on te fait les soins, et ben, il faut aussi à ce moment-là que tu sois, que le moral revienne, que tu te lèves, que tu marches, parce que c'est vrai qu'on ne marche plus et on est un peu cloué au lit. Mais c'est à ce moment-là où justement tu peux aider les chirurgiens à favoriser ce processus de guérison, quoi. Mais je comprends que ce soit hyper, hyper compliqué, quoi. Moi, je continue à lire des choses et à chercher tous les moyens qu'on a de prendre un petit peu plus de contrôle sur soi. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a peut-être oublié par rapport à nos ancêtres très très lointains qui étaient bien obligés de se démerder tout seuls. Quand ils avaient un petit ou un gros bobo et peut-être il y en a qui sont arrivés à développer des choses qu'on a oubliées après avec l'arrivée de... Bon, voilà. Est-ce que tu connais des ressources qui permettent d'accompagner les personnes pour limiter, voire arrêter leur consommation? J'étais allé à une consultation d'arrêt du tabac où on mesurait à chaque fois le degré d'envie, on compte ses cigarettes, on écrit tout sur un carnet, j'ai fumé telle à telle heure. Après, quand on regarde ça, on dit « Ah ouais, quand même hein. !» Ça permet de le conscientiser, voilà, et de l'avoir... C'est pas que dans sa tête. Tu l'as sous les yeux, quoi. Voilà. Ouais. Donc on a toujours tout intérêt à mettre les choses sur la table de ce point de vue-là, du point de vue de la cigarette. Mais peut-être de l'alcool aussi. Les alcooliques anonymes, qui, j'imagine, s'ils existent encore, c'est qu'ils servent à quelque chose. Oui. Fumeurs anonymes, j'ai pas entendu parler. Non, il y a tabac en faux service. C'est le 3989. Qui est un service gratuit qu'on peut appeler et on est en contact directement avec un tabacologue qui nous donne des conseils. Et, merci beaucoup à toi Philippe d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui sur un coup de tête. Bah, merci à vous d'être venu jusqu'ici. Bah, avec grand plaisir. Le tabagisme et l'alcoolisme sont des facteurs de risque bien connus des cancers ORL. Une prise en soin en addictologie est vivement recommandée avant l'amorce de traitement et tout au long de la prise en charge. Vous êtes dans une situation de dépendance à certaines substances. Quel que soit le type d'addiction, alcool, tabac, drogue, un sevrage ne peut être réussi que si la décision vient de vous-même. Le suivi addictologique peut être assuré par plusieurs professionnels de la santé, votre médecin traitant, votre centre de soins contre le cancer, les maisons de santé pluriprofessionnelles sans tabac, ou encore les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie que l'on appelle les CSAPA, qui proposent des accompagnements individuels, collectifs et familiaux. Retrouvez plus d'informations et tous les conseils de professionnels en addictologie sur notre site corasso.org en tapant dans la barre de recherche « addictologue ». Merci d'avoir écouté cet épisode de Coup de tête, le podcast des patients touchés par un cancer tête et cou créé par l'association Corasso. Pour retrouver plus d'informations sur ces cancers et sur l'association, rendez-vous sur www.corasso.org. À bientôt.